إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة في مدينة تركوان. فموضوعنا اليوم ما حول التراحم بين المسلمين والتعاون بين المسلمين. Donc bienvenue à tous dans ce séminaire de Tourcoing. Et nous allons voir ensemble un sujet traitant de la fraternité, la solidarité et l'entraide. فإن الإسلام دين يربي المسلم على أن يكون عدوا فاعلا في مجتمعه وبين إخوانه المسلمين ولم يربيه على الأنانية وحب الذات والعيش لمصالحه وشهواته فقط مع أنه لم يهمل الجانب النفسي في الإنسان. Donc certes, la religion de l'islam éduque le musulman à ce qu'il soit un membre qui sera profitable pour sa communauté d'entre ses frères musulmans, d'entre ses frères musulmans. Et l'islam ne l'éduque pas à ne penser qu'à lui-même, à être égoïste et à ne s'aimer que soi-même, être imbu de sa personne ou autre, et de ne penser qu'à ses bénéfices, qu'à ce qui lui sera bénéfique vis-à-vis des choses de la vie d'ici-bas, ainsi que le fait de ne suivre que ses passions, alors qu'il délaissera justement donc le côté entraide, le côté fraternité et le côté miséricorde avec les gens. Donc la personne ne doit pas avoir comme règle nefsi nefsi waliyahlik al-jami'. La personne n'aura pas comme donc conviction ou comme façon de passer en disant moi-même et moi-même, même si les autres se perdent, sont en perdition, ou plutôt après moi le déluge. Le musulman, il n'est pas celui qui dit après moi le déluge. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. الحديث رواه البخاري. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit tombe ou bien périt, coule, il désespère le serviteur du dinar et du dirham et des beaux habits. El Qatifa ou El Khamisa, ce sont les beaux habits à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on comprend après cela bien sûr donc la dunya, les choses de la vie d'ici bas. Donc la personne périt, elle tombe, celle qui adore l'argent, celle qui adore les beaux habits, la mode, il ne pense qu'à ça, il est réglé pour ça. Si demain c'est rose, il est réglé pour le rose. Après demain c'est rouge et bleu, il est réglé pour le rouge et bleu. Il suit donc ces choses-là aveuglément. Si il reçoit, il agrée, il est content. Et s'il ne reçoit pas, il n'agrée pas. En réalité, donc ceux qui sont amoureux de la mode sont en vérité des amoureux de la vie d'ici-bas. Et ils ne peuvent pas être de ceux qui en réalité Donc délaisse donc s'il le faut la vie d'ici, les choses de la vie d'ici-bas. فَلْيَرْضَ الْعَاقِلُ مِنَ النَّاسِ فَضْلًا أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مِنَ الصِّفَةِ الذَّمِيمَةِ مِنَ الْجَشْحِ وَالطَّمْعِ وَالْأَنَانِيَةِ وَحُبِّ الذَّاتِ وَالْعِيشِ لِنَفْسِهِ وَهَوَاهِ. Est-ce que réellement celui qui est doté d'intelligence parmi les musulmans agrée et accepte de ressembler à cette catégorie de personnes que dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de citer, donc ces mauvaises caractéristiques, où on retrouve ici des gens qui ont le tama, qui en vérité donc recherchent, ils sont cupides, ils sont avides de la vie d'ici-bas, ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ils ne pensent bien sûr qu'à donc eux-mêmes, leur propre personne. Et aussi, ils le suivent, leur passion. C'est pour ça que l'islam dja, liyushhira an-nas bi-annahum yani umma wahida, bi-annahum ya'ishuna fi umma wahida, ka'annahum fi jasadin wahidin, ka'annahum fi jasadin wahidin, aw ruhin wahid. C'est pour ça que l'islam est venu faire ressentir aux musulmans qu'ils sont une communauté, une seule communauté. Ou comme si il y avait un seul corps, tout simplement. Donc c'est un seul corps avec beaucoup de membres. Ou bien une seule âme avec plusieurs corps différents. On peut très bien mentionner, donc décrire les musulmans comme normalement plusieurs corps différents. On est composé de plusieurs corps différents. Mais c'est comme si c'était en réalité une seule âme. لذلك Allah subhanahu wa ta'ala hatha ala dhalika. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite à cela. Et le montre des versets qui parlent de cela. Ces versets-là, en vérité, prouvent justement donc l'unité et l'entité dans la communauté. Yaqulu ta'ala, innal muslimina wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal sadiqin wal sadiqat wal sabirin wal sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat wal sa'imin wal sa'imat wal hafizin furujuhum والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Voyez ici, Allah subhanahu wa ta'ala montre cette entité. Donc que la communauté est une seule communauté. Il dit certes les musulmans et les musulmanes, donc hommes et femmes, tout le monde, et les croyants ainsi que les croyantes. لأن الإنسان قد يكون مسلما وقد يكون مؤمنا إيمانه أقوى من إيمان المسلم. Car il y a des catégories de personnes dans l'islam. Il y a les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. Le croyant et la croyante ont donc un degré de foi qui est au-dessus de celui du musulman et de la musulmane. Et ceux qui prient, et celles qui prient, généralement on parle bien sûr de ceux qui prient la nuit, ceux qui prient après les prières obligatoires, ainsi que les meilleures prières après celles qui sont obligatoires, c'est-à-dire les prières de la nuit, alors que les gens dorment. Et ceux qui sont véridiques, hein, ceux qui sont véridiques, donc ceux et celles qui sont véridiques, et ceux qui patientent, ainsi que celles qui patientent, et ceux qui sont recueillis, donc dans leurs prières et autres, et celles qui sont recueillies aussi dans leurs prières et autres, et ceux qui donnent en aumône, et celles qui donnent en aumône, ceux qui jeûnent, celles qui jeûnent, ceux qui protègent leurs membres, ainsi que celles qu'ils protègent. Et ceux qui mentionnent ou évoquent énormément Allah, et celles qui évoquent Allah leur a préparé un pardon, awalan, avant de rentrer au paradis, un pardon et une énorme récompense, qui est bien sûr al-Jannah, qui est bien sûr donc al-Jannah. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment l'entité doit se faire, car il montre ici que les gens ils sont égaux. S'ils font cela, ils seront unis que par en vérité le biais de cela. L'ijtima, donc l'unité, l'entité, elle se fait que à travers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne se fait pas parce qu'on va s'unir et on va faire semblant de s'unir. Ce ne sont pas que des corps qui s'unissent, mais ce sont des cœurs surtout qui s'unissent. Wa kadhalika yaqulu ta'ala fi wasfi alladhina yatarahamuna baynahum والذين لهم مودة بينهم. Donc Allah Azza wa Jal aussi, lorsqu'il montre ceux qui sont miséricordieux et qui s'aiment, il dit bien wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Donc entraidez-vous dans l'obéissance et la crainte, et ne vous entraidez pas dans la désobéissance et l'animosité. Et l'animosité, donc dans le péché et l'animosité. Wattaqullaha inna Allah shadidul iqab. Et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Vous voyez par quoi elle termine Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des musulmans, malheureusement, ils s'unissent pour le mal. Ils s'unissent, eux, pour le mal. Et Allah dit bien, craignez Allah. Revenez à la crainte d'Allah. Pour éviter justement ces péchés et l'animosité. Et certes, Allah est dur en châtiment. Donc voici en vérité les grands péchés à ne pas justement faire. Afin de ne pas justement se retrouver sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhaka yaqulu ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne aussi, toujours par rapport à cette entité, certes, vous êtes la meilleure communauté, vous étiez la meilleure communauté qui a surgi de par les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Et vous croyez en Allah. Vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, par la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne sois pas étonné, mon frère, si un de tes frères vient te dire ce que tu fais c'est bien ou ce que tu fais c'est pas bien. C'est parce que lui fait partie des meilleures personnes. C'est pas parce qu'il veut se mêler de ta vie. Bien au contraire, c'est bien justement de se rappeler. Et les endroits où les gens se permettent de se rappeler les uns vers les autres, on voit qu'ils sont meilleurs dans l'entraide que les endroits où les gens se taisent parce qu'ils ont des fois un intérêt commun ou quoi que ce soit. Il faut en vérité mentionner le bien là où il est. Il faut aussi réprimander le mal là où il est. Afin de se protéger de cela. Et vous croyez en Allah, car ça fait partie de la croyance en Allah de recommander le bien et de reprouver le mal. Donc bien sûr, on sait que ces croyants, ils auront bien sûr une récompense. Ici on voit qu'on a affaire à ceux qui sont dans la vie d'ici bas. Et Allah Azza wa Jalla termine en montrant que les croyants auront comme récompense le paradis. Car tout cela amène à ce que les gens désirent. Et ce désir, c'est d'entrer au paradis. Et mieux que cela, voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas faire partie de ceux qui ne vont pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grave. De ne pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il te crée et tu ne le vois pas. Chez Ajib. Donc Allah dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Donc Allah ici dit et annonce la bonne nouvelle. Hadith Bushra. Pour ceux qui croient et œuvrent de la meilleure façon, donc font des œuvres pies, qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et à chaque fois qu'on leur octroie ou qu'ils reçoivent de la subsistance, ils disent ceci on l'a reçu juste auparavant. Donc ce fruit par exemple, cette chose là on vient de le recevoir juste auparavant. Wa utu biha mutashabiha. Et en vérité ils ont reçu ce qui ressemble. Cela veut dire en réalité que si tu demandes une banane ou une pomme et que tu la manges, celle qui viendra la prochaine, elle sera de la même façon, elle va la ressembler, mais elle sera meilleure en goût. Wa'utu biha mutashabiha. Ils ont dit on a reçu la même chose auparavant, mais en vérité elle est encore meilleure. Elle ressemble, mais simplement elle est meilleure en goût. Elle est quoi? Elle est meilleure. C'est pour ça quoi? Wa'utu biha mutashabiha. Car tout ce qui est le paradis, au fur et à mesure du temps, augmente en bien, augmente en beauté, augmente en goût. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de vivre dans des temps qui vont venir après, donc meilleur que celui qui était auparavant. Voici le paradis, ça monte. Et le contraire pour l'enfer. Avec le temps, c'est pire que le début de l'entrée de l'enfer. Et ils auront des épouses pures, et ils y demeureront éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne envie. Il nous pousse à recevoir cela, à recevoir de la bonne subsistance. N'est-ce pas que ceux qui vivent dans les endroits, ici dans cette ville ici-bas, où il y a de la bonne viande, où il y a des bons légumes, où il y a des bons fruits, où l'eau est pure, il n'a pas envie de quitter son jardin, il n'a pas envie de quitter sa petite région. Il se sent bien. Dites-lui, viens vivre chez nous dans le Nord. Il dit non, jamais de la vie, je suis bien loin. Pourquoi? Parce que justement, on est en train de profiter. Alors que dire, subhanallah, de ce qu'il y a fil Jannah? On doit rechercher. N'est-ce pas que les endroits les plus beaux, c'est les plus prisés? Les gens sont prêts à dépenser des millions pour acheter des petits lopins de terre et pour construire leur villa, les milliardaires d'entre eux. Pourquoi? Pour vivre de la meilleure façon, pour eux. Et qu'en réalité, la meilleure façon, elle est bien sûr fil Jannah. Alors nous, on doit l'espérer de la meilleure façon, donc d'une espérance qui sera encore plus forte que ceux qui recherchent en réalité donc cette vie ici-bas, cette vie ici-bas. Et nous allons voir donc des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis donc de la fraternité, de l'amour et de l'entraide entre les musulmans. Wa qad akhraj al-imam Ahmed fi musnadihi عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والحديث الصحيح. Donc il dit وأخرجه يعني من مسلم وقلت الأحمد وإنما هو الإمام مسلم رحمة الله عليهم جميعا. Donc l'imam muslim rapporte dans son authentique que An-Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes les croyants, al-mu'minina, c'est au pluriel, donc ça concerne tout le monde, dans leur amour fort ainsi que leur miséricorde ainsi que leur compassion, c'est-à-dire envers les musulmans, envers les autres croyants, les uns envers les autres, ressemble à un corps que si un membre de ce corps se plaint, tous les autres membres vont subir l'insomnie et la fièvre. L'insomnie et la fièvre. Car quand tu as mal, des fois tu ne dors pas. Pourtant, ce n'est pas tout ton corps qui a mal à l'origine. Ça départ d'un point. Donc voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc montre cette parabole, cette comparaison. Non seulement c'est psychologique, car il y a l'insomnie, et ça se termine aussi bien sûr par le mal, les autres membres ont mal. Donc les gens, ils réfléchissent, ça les dérange de voir en réalité des gens qui sont dans la misère, ou des gens qui ont des difficultés, et la mal. Donc automatiquement, lorsque tu as mal, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à te soigner, tu cherches à guérir, tu cherches à dissiper ce mal. Donc le résultat va être cela, ou la conclusion de cela, c'est que tu dois rechercher à dissiper le mal que tu vois autour de toi dans la communauté. Qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit réelle, qu'elle soit en vérité dans l'ignorance des gens, en leur enseignant, qu'elle soit en vérité si la personne avait des dettes par exemple, ou autre. Donc on peut bien sûr imaginer énormément de cas que l'on vit tous les jours dans notre vie d'ici-bas. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على مفاتيح الخير. Et aussi le prophète صلى الله عليه وسلم nous pousse à être des clés du bien, à être des clés du bien, des gens qui aiment à faire le bien. Hein? Donc on va les appeler les philanthropes, on va les appeler en vérité donc des croyants tout simplement, des croyants qui aiment faire le bien. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك وهو في سنن ابن ماجه وهو الصحيح يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغالق للخير فطوبى لمن جعل الله له مفاتيح الخير بين يديه وويل لما جعل الله له مفاتح الشر على يديه. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en confrontant les gens, en deux. Il y a ici donc deux catégories de personnes. Certes, parmi les gens, an-nas, qala an-nas, jami'u an-nas, l'insan yani, les gens. Il y a parmi les gens des personnes qui sont des clés pour les biens, pour le bien. Et ils ferment la porte au mal. Et il y a aussi, certes, parmi les gens, donc il y a certes des gens qui sont des clés pour le mal et ils ferment la porte au bien. Bienheureux est celui dont Allah a fait de lui quelqu'un qui ouvre la porte au bien, qui est une clé pour le bien. Et malheur à celui qui est aussi une clé pour le mal. Wa tuba, comme le dit kama yaqulu ba'd al-ulama, kama qala ba'd al-ulama, إنها شجرة في الجنة هي شجرة في الجنة. Certes, elle est quoi? Donc un arbre au paradis. والويل كذلك, c'est aussi donc en enfer. Donc il y a deux significations pour Touba. Donc bienheureux et puis le paradis, et ويل donc malheur, et puis aussi l'enfer, et puis aussi donc l'enfer. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة عن كرب الدنيا نفس الله له كربة من كرب اليوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت له عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وخفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يصلح به نسبه. C'est un hadith qui est long, on va dire qui est relativement long, et qui mentionne énormément de droits. On a vu auparavant qu'on a affaire ici aux droits des gens. On a affaire ici en réalité donc hukuk al-insan, hukuk al-muslimin, ba'dhum ba'da. Donc les droits des musulmans les uns envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dissipe donc une difficulté, une gêne chez un croyant, Allah va lui dissiper sa difficulté, donc une difficulté parmi les difficultés du jour dernier. يوم القيامة وقرب يوم القيامة أشد وأضعف مضاعفة وهي كثيرة جدا وهذا اليوم طويل. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala va t'enlever une difficulté parmi les difficultés du jour dernier, et il y a énormément de difficultés le jour dernier, et c'est long. Et c'est beaucoup plus difficile que les difficultés de la vie d'ici-bas. Elles sont bien plus graves. Donc c'est une ni'ma pour cela. Le fait que tu aides, tu as entraîné ton frère, ne serait-ce que pour la moindre chose. Ce n'est pas obligé que ce soit quelque chose de très long, que tu as dépensé énormément, hein, que tu as sué énormément, tu t'es fatigué, tu as fait 10 km. Il est possible que ce soit quelque chose qui va te durer 5 minutes, ou qui va te coûter peu. Mais tu as enlevé une difficulté, une gêne chez ton frère. Et Allah Azza wa Jalla va t'enlever une difficulté parmi les diverses difficultés qui existent le jour dernier. Et aussi celui qui facilite à quelqu'un qui est en difficulté, Allah lui facilite aussi. Fait dunya premièrement, tout de suite. Il y a directement donc la récompense. Dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, les deux. Donc dans la vie d'ici-bas, c'est déjà une grande ni'ma. Alors que dire dans l'au-delà? Alors il va se te faciliter là où ça sera vraiment difficile. Lui, il ne te restera que tes actes pour pouvoir te faire sortir justement de ça. Ça sera une shafa'a pour toi. Ça va être en réalité une intercession pour toi. Et aussi celui qui cache les défauts de son frère dans la vie d'ici-bas, Allah cache ses défauts dans l'au-delà. Car ce n'est pas le but de l'islam. de parler des défauts des musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit bien, donc annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Facilité, ne rendez pas les tâches difficiles. Maintenant, on sait tout sur tout le monde, façon de parler. C'est parce que c'est une erreur de notre part. C'est tout simplement une erreur de façon générale. On doit cacher les défauts du croyant. Car il y est possible qu'il y a, entre le défaut du croyant et le moment où tu l'as su, donc énormément de temps. Il a sûrement pleuré la nuit. Il a demandé à Allah Azzawajal pardon. Et Allah lui a pardonné et l'a aimé. Alors à ce moment-là, tu te retrouves en guerre en réalité contre quelqu'un dont Allah aime. Et là, pour toi, mon frère, donc ça ne sera pas une chose facile. Ça ne sera pas une chose facile. Et parmi les conditions de recommander le bien et de réprouver le mal, c'est d'abord de parler à la personne en privé. Il ne faut pas que ce soit lui qui le sache en dernier. Tout le monde le sait, lui ne le sait même pas. Que tout le monde sait ce qu'il a fait. Ça, déjà, c'est une erreur, premièrement. Et deuxièmement, il faut que ce soit pendant le moment. Tu lui dis, crains Allah, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien. Sur place. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé entre le moment où il a fait ou le moment où tu lui as dit. Surtout s'il y a eu du temps qui s'est écoulé. Ça n'entre pas dans les conditions de recommander le bien et de réprouver le mal. Parmi les conditions de recommander le bien et de réprouver le mal, c'est que ça se fait pendant le moment. Ou à peine, juste après. Ou s'il continue. Mais pas comme ça, mais pas des années plus tard. Et surtout pas de le dire devant les autres. Car Allah cachera tes défauts le jour dernier. C'est pour ça qu'Allah dit, donc, oh, celui qui croit avec son cœur, celui qui croit avec sa langue, mais ne croit pas avec son cœur, ne recherchez pas les défauts des croyants. Car celui qui recherche les défauts des croyants, Allah lui montrera ses défauts même s'il était donc dans la pièce la plus reculée de sa maison. Donc tout cela a à voir avec justement la miséricorde et l'entraide et aussi donc la solidarité des uns envers des autres. Parce que si tu es solidaire envers ton frère, donc cache ses défauts. C'est une sorte de solidarité. Et Allah sera, ou Allah va aider son frère, va aider le croyant tant que le croyant aide son frère. Y a-t-il ici une entraide qui provient de la part d'Allah? Une entraide sur la vie d'ici-bas meilleure que celle d'Allah? On sait que c'est d'Allah, donc si tu la reçois, tu la recevras totalement. Tu la recevras totalement parce que c'est ton risque. Allah, s'il te la donne, il te la donne, il va te la donner de la meilleure façon. De la meilleure façon. Et le risque d'Allah, même s'il était caché, enfoui, en dessous des sables, dans les océans, il te viendra. Hein, même s'il doit traverser des tonnes de fer, il te viendra. Il te viendra. Même s'il est très loin. Donc le musulman, qu'il sache que lorsqu'il aide son frère, Allah va l'aider, va l'entraider. Et le fait d'être aidé par Allah, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleure aide qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste après cela, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous incite à la science religieuse. Car la science religieuse, c'est elle qui va t'aider justement à avoir ces qualités qu'on vient de voir auparavant. Et celui qui emprunte un chemin afin d'y rechercher la science, Allah lui facilite le chemin au paradis. Voyez un peu la récompense, elle est directe. Le chemin au paradis. Car la science t'amène au paradis par justement la bonne compréhension, les bons actes, le fait que tu connaisses où est le bien, le fait que tu connaisses où est le mal. Tu vas connaître cela que par la science, pas par l'ignorance, mais c'est la science qui va te faire savoir où est le bien et te faire savoir où est le mal, afin que tu cours après ce bien et que tu recherches ce bien et que tu mettes en pratique ce bien et le mal afin que tu le délaisses, que tu protèges de ce mal et aussi que tu préviennes contre ce mal. Et à chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah, yani al-masajid, parce que bien sûr réellement la science elle s'apprend à l'origine dans les mosquées, pas dans les chambrettes, pas dans les endroits où on ne veut pas que les gens voient, alors que la science justement c'est un accès, elle a accès normalement à tout le monde, tout le monde a accès à la science, c'est pas privé, c'est pas un club privé. Donc c'est dans la maison d'Allah, il y a la baraka dans les maisons d'Allah au niveau du ilm. Il récite le livre d'Allah et il enseigne, il se l'enseigne les uns envers les autres. Donc ils le récitent, hein, donc ils vont apprendre comment réciter, comment lire, comment réciter, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce livre et comment mettre en prendre l'application ce livre. Ça ne s'arrête pas au tajwid. Ça va plus loin que ça. C'est de savoir qu'est-ce que Allah nous a dit, qu'est-ce que Allah veut de nous dans ce livre et aussi comment mettre en application cela. Comme l'étaient les compagnons du prophète, radhiyallahu alayhim, ils le lisent la nuit et ils recherchent son sens dans la journée. Ils le lisent le soir et ils recherchent son sens dans la journée. Qu'est-ce qui leur descend? Voyez un peu ce qu'Allah Azzajal fait de ces gens-là. Il leur descend la sérénité, le calme, le repos. Hein, on retrouve justement donc cette sérénité. Voyez un peu lorsque des gens qui enseignent, mais qui n'enseignent pas comme il le faut, qu'ils veulent faire rire les gens, tout simplement, qu'ils veulent parler que d'eux-mêmes, ou qu'ils sont en train de parler de ce qui s'est passé à la télé, alors que tout le monde a vu la télé. C'est une rediffusion en fin de compte. La mosquée, c'est devenu la rediffusion de ce qui se passe sur. Eh bien, cela, on voit qu'il n'y a pas d'arahma. Tout le monde rigole. Tout le monde parle. Il n'y a rien à la fin. Il n'y a pas d'adoration. On voit que ces gens-là ne sont pas, justement, donc aptes à l'adoration. Pourquoi? Parce que la foi n'a pas monté, tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Ils sont que dans cela. Dans les mosquées d'Allah Azzawajal. Alors que normalement, c'est quoi? On n'entend plus chez eux qu'à Allah, qu'à Rasoul. C'est dépassé. C'est démodé. C'est Khaled Foulen, hein. On ramène les grands écrans, on met la télé, on met même la rediffusion, on met la vidéo et on écoute la télévision directement dans la mosquée. Adakhata, c'est une erreur. Car les gens n'apprennent pas la religion dans l'Azhar. Et nous, on en a encore besoin plus que les autres. Dans le sens où on travaille, dans le sens où on est donc éperdument, donc, ou plutôt profondément perdu dans les choses de la vie d'ici-bas. On n'a pas beaucoup de temps. Donc le peu de temps qu'on a, on devrait plutôt écouter la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de mettre en pratique le peu qu'on a appris, le peu qu'on apprend. Il leur descend quoi? Cette sérénité. Et la miséricorde les couvre et aussi les anges donc les recouvrent et les entourent, les anges les entourent. Bien sûr, donc ils vont demander pardon à Allah Azzajal pour nous, ils vont faire des doigts pour nous les anges car ils veulent le bien, ils aiment le bien. Et Allah les mentionne. Ça, c'est une ni'ma. C'est une grande grâce d'Allah Azza wa Jal. Il les mentionne où ça? À ceux qui sont à côté de lui. Et les anges qui sont proches, ce sont les anges les meilleurs. Jibril. Allah va mentionner ton nom auprès de Jibril et les autres. Et c'est pas parce qu'il y a Jibril, mais c'est surtout parce que Allah mentionne ton nom que c'est surtout important. Il mentionne lui-même ton nom. Ton nom sort, donc c'est, hein, donc c'est Allah qui va donc parler et mentionner ton nom. Zakarahum, Allah il va mentionner ton nom. Il parle et c'est ton nom qui sort. Donc ça, c'est un rêve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Et il prévient aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que ça, donc c'est pas bilzam, voilà, c'est bilzam. C'est pas par la prétention, mais en vérité, c'est réellement par les actes. C'est pour ça qu'il termine. Men bata'a bi 'amaluhu lam yuslih bihi nasabuhu. Celui qui est lent dans les œuvres, sa lignée ne va pas lui accélérer les choses. Même si c'était la fille du prophète, mais qu'elle, sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'elle ne met pas en pratique, ben c'est pas parce que c'est sa fille que ça va changer quelque chose. C'est pas parce que c'est la fille d'un imam. C'est pas parce que c'est l'épouse d'un imam. C'est pas parce que c'est un tel ou une telle. Ou parce que elle fait, donc les gens ont dans leur famille des membres qui sont pieux. Que cela va changer quelque chose. Abadan. Il n'y a pas de piston. Allah, il est juste. Allah, il est juste. Pourquoi alors celui. Donc ça serait injuste que celui qui n'œuvre pas aurait une récompense, alors ceux qui œuvrent n'auraient pas. Hein, eux, ils ont eu besoin d'œuvrer pour avoir cette récompense. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Donc il œuvre, il récompense selon les œuvres. C'est pour ça qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il termine par cela, afin que les gens le sachent. Donc en vérité, ne croyez pas que. Parce que vous n'avez pas œuvré, que vous allez recevoir en vérité la récompense de ceux qui ont œuvré. Donc chacun est différent. Chacun en réalité d'entre nous est différent. Yaqulu al-Imam Ibn Abi Dunya, rahimahullah, fi qada' al-Hawa'ij, in 'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahabu an-nasi ila Allah anfa'uhum. وحب الأعمال إلى الله السرور تدخله على مسلم وتكشف عنه كربة أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كفى غضبه ستر الله عورته ومن كذب غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم نزول الأقدام وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل والحديث الصحيح في صحيح الجامع. Voyez ici aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il mentionne vis-à-vis de la solidarité, de l'entraide, de la miséricorde et de l'amour entre les musulmans. Il dit, la personne la plus aimée auprès d'Allah est celui qui sera le plus profitable. Il nafsihi wa li ghayrihi. Il est profitable pour lui-même, car il adore comme il le faut, ou à l'irélihi, car il entraide les autres. Il leur enlève un mal, que ce soit par rapport à l'ignorance, que ce soit par rapport à la vie d'ici-bas. Il y a une entraide. Donc, ce soit, je vais l'aider par mon corps, je vais l'aider par mes biens, je vais l'aider par donc, ma science, tout cela, tout type de bien. C'est celui qui est le plus profitable. Hein, donc, il va être le plus profitable envers les gens. Et aussi, la meilleure acte. Donc le meilleur acte auprès d'Allah, c'est une joie, une gaieté que tu entres dans le cœur de ton frère. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a bien dit la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walaw an talqa akhak biwajhin talq. Donc ne déteste rien dans ce qui est bien. Ne déteste rien dans ce qui est bien, même si tu rencontres ton frère avec un visage radieux. Tu souris à ton frère. Tu ne sais pas ce que tu as mis dans son cœur. Son cœur, il s'est totalement élargi. Une bonne journée pour lui. Tu ne souris pas à ton frère. Tu viens avec un visage donc bien triste, bien fermé. Tu le touches toute la journée. C'est parti peut-être pour des jours ou des mois, tu ne sais pas. Et des fois, c'est quoi? C'est juste un petit geste très rapide. Mais la conséquence, elle peut être très bénéfique, comme elle peut être aussi très néfaste. Pourtant, ça démarre de rien. Et Shaitan, bien sûr, il est là pour justement faire un nez. Afin de diviser entre les croyants. Donc on ne doit pas aider Shaitan contre notre frère. Donc le meilleur acte, vous avez vu le meilleur acte, basit jiddan, mais pourtant tu as fait quoi? Tu as été donc tu as fait plaisir à ton frère. Ou bien que tu lui enlèves, donc il y a aussi donc plusieurs catégories. Il y a encore donc c'est divers. Ou bien que tu lui dissipes, que tu lui enlèves donc une difficulté ou que tu lui payes sa dette. Il est peut-être endetté. Ça le travaille, il n'arrive pas à la payer. Il est sincère auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas d'argent. Il ne sait pas comment payer. Toi, tu vas, tu payes pour lui. Tu payes la dette pour ton frère. Donc, on a vu ici donc quelque chose qui est en vérité physique. Hein, on a vu quelque chose ici qui a trait avec l'argent. Ou bien, quoi aussi, donc tu lui enlèves une faim. Il a faim. Il n'a pas de quoi manger. Tu lui as payé un repas. Tu l'as invité chez toi. Tu lui as acheté la nourriture. Et il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et là il se mentionne lui-même. Il dit, moi. Donc il dit bien, si je marche. Donc il a bien utilisé le mot je. Et pas si le musulman fait. Il parle pour lui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on sait que le prophète, donc ça nous pousse encore plus justement à faire la chose. Parce qu'ici il utilise sa propre personne, sallallahu alayhi wa sallam. Si je marche avec mon frère musulman dans une de ses affaires, jusqu'à ce qu'il termine son affaire, hein, jusqu'à ce qu'il termine donc son affaire, est meilleur pour moi, donc j'aide mon frère dans une affaire, est meilleur pour moi que le fait de faire la retraite spirituelle dans la mosquée pendant un mois. L'irtikaf, faut qu'on ait la récompense, elle est énorme. L'irtikaf, les 10 derniers jours du ramadan, c'est pas n'importe quoi. Et là, le Nabi, ou sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, 3 fois ces 10 jours, un mois, 30 jours. Il préfère aider son frère que faire l'irtikaf dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il va tout le temps prier, là où il va tout le temps mentionner Allah azza wa jal, et là où il va tout le temps lire le Coran. N'est-ce pas que c'est ça l'irtikaf? on se délaisse totalement de la dunya, on est totalement concentré que pour la vie d'ici-bas. Donc c'est ibada 24 sur 24. Et pourtant ici un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que d'aider son frère c'est mieux que de faire ça pendant un mois. Il a mentionné ici un moment d'adoration concentré dans la mosquée d'Allah, donc les meilleurs endroits préférés auprès d'Allah, et dans les meilleurs mois, le meilleur mois, le mois du Ramadan. Donc voyez un petit peu comment en vérité l'important justement des liens qu'il y a en vérité entre les musulmans. Et il dit aussi, celui qui retient sa colère, Allah lui cachera ses défauts. Et aussi la même chose, celui aussi qui retient sa colère, sa hantise, et qui protège, c'est-à-dire qui calme, alors que lui il est capable de lâcher sa colère parce qu'il est plus fort, parce que hein, il est capable, il a donc il est face à lui par exemple à des faibles ou des gens qui ne sont pas capables de se défendre par exemple, alors que donc il est fort, il est très en colère, il se retient parce que c'est lui le vrai en vérité, donc la personne qui se retient réellement. C'est pour ça que l'arabe dans des poésies, lorsqu'il parle de la colère, ils disent que je retiens ma colère alors que je suis capable, parce que celui qui n'est pas capable il se retient parce qu'il n'y a pas Allahu ghalib. Il ne peut rien faire d'autre qu'en vérité se retenir parce qu'il n'a pas de force, il n'a pas le choix. Mais tandis que l'autre il a le choix ou de tout casser par exemple, c'est un exemple, hein, ou de tuer ou de faire du mal de façon générale, et pourtant cette personne qu'est-ce qu'elle fait, elle se retient alors qu'il est capable de le faire. Allah remplit son cœur d'agrément, et l'agrément d'Allah c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est pour ça qu'on dit vis-à-vis des compagnons du prophète radhiyallahu alayhim, radhiyallahu anhum, s'il y a quelque chose de mieux, Allah leur a dit, donc on leur a entendu de la bouche du prophète et de la bouche d'Allah azza wa jalla dans le Coran autre chose que cela. Donc il va agréer tout ce qu'il y a dans la religion, il va agréer en vérité ce qu'il y a dans la religion, l'agrément, il agrée d'Allah, donc il agrée tout ce qu'Allah lui donne, il agrée aussi de ce qu'Allah lui donne dans la vie d'ici-bas, dans la dunya. Donc Allah lui suffit, Allah en réalité lui suffit, hein? Il est reconnaissant et donc Allah lui suffit de dans toutes ces choses là donc ici c'est Yawm al-Qiyam, le jour dernier. Allah agrée de lui le jour dernier, et on sait que donc il peut profiter peut-être des intercessions, il peut ou être intercesseur ou bien même peut-être profiter des intercessions, parce qu'on sait que l'agrément c'est une condition parmi les conditions de l'intercession le jour dernier, et justement là on parle du jour dernier. Et celui qui marche avec son frère dans une de ses affaires alors qu'il lui, jusqu'à ce que son affaire soit conclue, Allah aussi donc va raffermir son pied le jour où les pieds vont glisser, Yawm al-Qiyama, le jour où beaucoup de gens vont glisser, dans le sens où ça ne va pas être facile pour eux, ils ne pourront pas en vérité s'en sortir du mal qu'ils ont fait auparavant. Et certes le mauvais comportement donc pourri, je vais utiliser ce mot là, pourri, donc il pourrit l'acte, ou bien il vient rendre nul, c'est-à-dire en vérité il vient rendre caduque, il vient annuler l'acte, comme le miel, comme plutôt le vinaigre vient pourrir en vérité yufsid, hein, donc quoi, le miel, le vinaigre, si tu mets sur le miel ne sert à plus rien, tu peux le jeter, donc il ne sert à plus rien. Donc c'est la même façon, le mauvais comportement, à quoi sert le bon comportement, à quoi sert les actes sans comportement? Donc ici, à quoi servent les actes sans comportement? Voici l'islam. Voici l'islam. Et aussi, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, où Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu, rapporte, il dit, sama'atu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, abrouni du'afa'akum, fa innama turzakuna wa tunsaruna bi du'afa'ikum. Et le hadith sahih. Abrouni, donc en vérité apportez-moi, et faites que j'aime, hein, donc je vais ramenez-moi et apportez-moi abri, je désire, donc faites-moi désirer en vérité mais vos faibles, les faibles parmi les musulmans. C'est qui les faibles de façon générale? C'est le pauvre, hein, c'est celui qui a une petite maladie, celui qui ne peut pas faire grand chose, c'est celui en général qui n'a pas en vérité de voix de façon générale par rapport aux autres. Le faible, le vieux, l'enfant, la khali. Elle dit ici, donc, innama, certes, réellement, vous recevez la subsistance. Lorsque quand tu es en train de manger, quand Allah t'a donné un bon salaire, sache que le daif, il est dedans, toi tu ne le sais pas, mais par sa doua, Allah t'a donné. Par ses doua, Allah t'a donné, toi tu ne le sais même pas que lui, on va tester un sabab. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en récompense, en retour? Ne l'oublie pas, donne-lui. Ne l'oublie pas, donne-lui quelque chose. Parce qu'il est sebeb de ça. Parce qu'il dit, innama, certes, c'est sûr et certain, turzaqoun, wa tutsaruna kadhalik. Et même vous, vous êtes victorieux. Donc aussi, vous recevez la victoire que par vos pauvres, que par vos faibles. Dans un autre hadith, hein, donc c'est bi ikhlasihim, bi salatihim, wa du'aihim, wa ikhlasihim. Par leur prière, leur invocation et leur sincérité. Ils n'ont que ça, eux. Ils n'ont rien d'autre qu'en vérité venir à la mosquée, adorer, ou bien demander à Allah sincèrement. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ne sont pas occupés. Hein? Ça, le cerveau ne tourne pas à mille à l'heure. Parce qu'ils ont beaucoup de bien. Le téléphone sonne toutes les 5 minutes. Ils sont occupés à la dunya. J'achète, je prends, je revends, je fais, je monte, je vais, je voyage. Ils ne connaissent pas tout ça. Peut-être qu'un de tes voyages, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils n'ont rien. Ils connaissent juste les choses simples. Et ça leur suffit, ils vivent avec ça. Et ce sont eux, réellement, les gens dont il faut faire attention. Dont en vérité, justement, il faut protéger. Dont en vérité, il faut aider. Car ils sont sebeb de ton risque. Toi, tu crois que, tu t'es dit, j'ai trimé, je me suis réveillé très tôt le matin, je me suis fatigué, je mange moi et mes enfants. Les pauvres avec. Barakallahu fik, les pauvres aussi. Parce qu'ils sont sebeb de cela. De ce risque. C'est comme le hadith de celui qui se plaint de son frère qui est beaucoup à la mosquée alors que lui travaille. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit bien, certainement tu reçois ta subsistance de par lui. Donc c'est un hadith qui se rejoint encore une fois, qui se rejoint. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler et faire que des doigts, on n'a pas dit ça, mais le risque c'est Allah qui l'a écrit. Donc il y a des gens qui vont essayer de travailler, ils vont chercher du travail, ils vont tout faire pour, mais simplement Allah ne l'aura pas écrit. C'est pour ça qu'il reste au chômage, c'est parce que ce n'est pas maktoub, tout simplement. Il y a des gens, alors un jour ils cherchent, ils trouvent. C'est pas vrai ou là? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens, ils sont venus, ils m'ont dit, il y en a qui est parti, il a trouvé un travail, 6000 euros, en Suisse, la frontière suisse. Il y a un travail, 6000 euros. C'est comment ça se passe? Il vient, il y a un travail, 6000 euros. Bismillah Azza wa Jal. Il n'y a pas, hein, c'est selon. Et l'autre, il fait le même métier, il touche 3 fois moins ou 4 fois moins. C'est le même métier. Ils disent parce que voilà. Ça, c'est Bismillah Azza wa Jal. Ça ne veut rien dire. Donc ça ne veut rien dire. Et le même chef a une poésie par rapport à cela. Le même chef a une poésie par rapport à cela. Bon, par rapport au Aql. Il dit bien que ce n'est pas parce que quelqu'un a plus d'argent, ça veut dire qu'il est plus intelligent. Il parle par rapport à cela. Rahmatullah alayhim jami'an. Donc ici, donc l'importance en vérité des pauvres. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre aussi comment en vérité on va. Donc, rendre doux notre cœur. Il dit, في الحديث الذي رواه أبو درداء وهو صحيح وهو في يعني أخرجه الإمام الطبراني. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ أرحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. يلين قلبك وتدرك حاجتك. Tout de l'écho, oh, tout de l'ak. Donc ici, le hadith il est sahih. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu aimes que ton cœur se radoucisse? Donc se radoucisse, il devient doux. Layyin, il devient doux. Il y a les cœurs qui sont durs. Hein? Donc le cœur qui sont très durs, pire que de la pierre. Il y a des pierres dont l'eau passe à travers. Il y a des pierres dont l'eau ne passe même pas à travers. Elles sont dures. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ils le ressentent. Ils se posent des questions des fois. Ils disent, j'ai mon cœur, j'ai l'impression que je ne ressens rien. Je n'ai pas de sentiment. Je n'ai pas de ressentiment. Je ne pleure pas devant le Coran. Ça ne m'attriste pas s'il y a des malheurs chez les gens. Il a khéli. Il n'y a pas pire que ça. D'avoir le cœur qui est comme ça. Donc, veux-tu? Bien. Aimerais-tu que ton cœur se radoucisse et que tes affaires en vérité réussissent? Fais miséricorde à qui? À l'orphelin. Arhim al-yatim. Al-yatim. Là, on a affaire à la première catégorie des gens dont il faut aider. Il y a encore plus besoin d'aide que le pauvre. Parce que lui, il est yatim. Il est possible qu'il soit pauvre. Il est possible. Certains d'entre eux ont de l'argent. Mais son argent, il ne peut la toucher que quand il sera donc, dans le sens pubère ou apte à dépenser cet argent. Le tuteur doit protéger cet argent. Donc il n'a pas quoi lui. Il n'a pas des ni'am, des grâces, et vous allez bien comprendre. Des ni'am que nous on profite chaque jour. Qui de vous est papa ici? Si je demandais, lève ta main. Levez vos mains, les papas, ils sont où les papas? Combien de fois par jour tu embrasses tes enfants? Tu fais. Combien de fois par jour? Dites, 5, 10, 15, 20 fois, 30 fois. Ou des fois tu ne t'arrêtes pas. Quand ils sont petits, tu n'arrêtes pas d'être tous les jours. Tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, lui, il ne connaît rien de tout ça. Tu arrives maintenant à t'imaginer que tu aurais un enfant parmi tous ces enfants-là, tu le mets dans une chambre, tu le laisses comme si c'était un yatim. Tu t'imaginerais en vérité comment il serait? Eh bien, le yatim, il est comme ça. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, personne. Donc, le yatim, c'est l'orphelin, afouan. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, le yatim, c'est l'orphelin. Donc, il ne profite pas des grâces que ton fils profite ou ta fille, de ta part, par rapport aux bisous, par rapport aux habits que tu lui achètes, par rapport au voyage que tu lui fais, par rapport à la boxe, hein, lorsque tu le sors au parc, lorsque tu le sors avec son ballon, avec son vélo. Il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît rien de tout ça. Et alors, Allah nous demande de ça. Je me pose, c'est pas la question, si on ne devrait pas ressortir en vérité, donc, des adresses de tous les orphelinats, hein, de France, et de rechercher où ils sont les yatama, et spécialement les yatama minal muslimin. Est-ce qu'on les a? Alors qu'Allah Azza wa Jalla, justement, il commence bien. Arrête al-ladhi yukadhibu bid-din. Donc vois-tu celui qui ment dans la religion. Fadhalik al-ladhi yad'u al-yatim. Et certes, c'est celui qui délaisse l'orphelin. Maintenant, si tu entendais que le premier verset, et que tu ne connais pas la sourate, et que. Il délaisse qui? Il délaisse en vérité celui qui n'a pas de père, et celui qui n'a pas de mère. Donc si nous, jamais on s'occupe d'eux, n'est-ce pas qu'on ressemble à celui qui monte dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les salafs, quelqu'un a dit 40 ans. Je n'ai jamais ressenti que je n'ai pas eu de parents. Tellement les salafs, ils s'occupaient d'eux. 40 ans. Ça y est, lui a 18 ans, il se débrouille. Tout seul. Mais quand tu aimes quelqu'un, et que imagine que tu t'es occupé de lui dès petit. Il était vraiment, donc il était mineur. Peut-être 2 ans, peut-être 7 ans, Allah a'lam. C'est normal qu'après tu as pu le lâcher jusqu'à ta mort, parce que tu l'as aimé, tu as suivi, on va dire, son parcours, sa vie, tu le connais. Donc 40 ans, il n'a jamais ressenti ça. Alors que ça fait plus de 20 ans qu'il sait se débrouiller. Et voire même avant, si ça se trouve à la cage de 15 ans, il est parti déjà commencer à travailler, surtout ceux d'avant. Voyez un peu comment ils étaient. Donc le salaf, il leur donne l'Allah alim. Et ça, en vérité, c'est quelque chose dont il faut réfléchir, en vérité, de connaître où sont les orphelinats. Donc c'est sérieux. Et on devrait, en vérité, penser à œuvrer pour ces gens, ce genre de personnes-là. Nous, on dit en France, il n'y a pas de pauvres, machallah. Il y a des orphelins, mais les orphelins, on va leur donner. Parce qu'Allah Azzal parle de l'orphelin, et bien on va leur donner. On ne trouve pas d'excuses pour ne pas donner. Si en France, il n'y a pas de pauvres, alors pourquoi les gens vont derrière Aldi, qui travaillent en France ou quoi, et qui vont dans les poubelles fouillées alors? N'est-ce pas que ce qui est vendu, ce qui est pris dans les poubelles d'Aldi, d'ailleurs, du supermarché, sont vendus? Hein, à Barbès et ailleurs, pourquoi elles sont vendues? Il y a des Français qui viennent acheter, il y a plein de gens qui viennent acheter. Les gens qui travaillent, ils viennent acheter des choses qui sont avariées. Ces gens-là, ce ne sont pas des riches, ils ont dit on n'arrive plus à terminer le debout. Donc celui qui dit qu'il n'y a pas de pauvres en France, il est en train de mentir parce que chaque personne vient avec son risque. On est en train de dire que comme quoi que Allah a décidé qu'il y aura, que il rentre en vérité dans le risque d'Allah. Ça, c'est impossible de savoir. C'est impossible de se permettre de dire que dans un pays, il n'y a pas de pauvres. Ça n'existe pas. Partout. Même le Koweït, même partout. Donc c'est partout pareil. Il y a des riches, il y a des pauvres. Donc celui qui vient dire ça pour ne pas payer, qui en vérité, il craigne Allah Azza wa Jal et qu'il arrête de vouloir que l'argent ne parte que dans un seul pays ou une seule catégorie de personnes. Ça en vérité, ça doit toucher tous les pauvres de la communauté musulmane. Kazalika. Donc, bien sûr, donc l'orphelin, on l'a vu qu'il a besoin d'une grande parenthèse. Fais miséricorde à l'orphelin. Et caresse-lui caresse-lui son crâne. Donc en vérité, fais-lui une petite tape. On voit, hein, une petite caresse, c'est-à-dire, comme on dit, une petite tape amicale, par exemple, sur son crâne. Et donne-lui de ta nourriture. Donne-lui en réalité de ta nourriture. Il est possible que ces enfants de muslims qui n'auraient pas de parents, qui seraient dans les orphelinats, que si nous, on allait leur dire que par exemple, on veut que samedi passe chez nous, peut-être qu'il y aurait peut-être moyen de faire ça. Donc tu le prends, tu le fais manger chez toi. Tu le fais un petit peu profiter un petit peu d'une gaieté, ne serait-ce que 2 heures, 3 heures, par exemple. Et aussi les orphelins, des fois ils peuvent très bien être, même si ce n'est pas dans les orphelinats, des fois chez la grand-mère, c'est possible aussi. Les parents sont morts, ça ne veut pas dire qu'il est. Moi j'ai dit orphelinat parce que c'est l'origine, mais on parle aussi, bien sûr, il peut très bien être dans une famille d'accueil, mais de penser à lui quand même. De penser en réalité à lui quand même. Donc, ton cœur s'adoucira et tes affaires se feront de la meilleure façon. Elles vont se concrétiser. Allah Azzajal, c'est-à-dire qu'il va mettre de la baraka dans tes affaires. Tu auras en réalité de la baraka dans tes affaires. وكذلك قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الذي رواه. Qui prendrait de moi ces paroles et qui les mette en application ou qui l'enseigne? Quelqu'un qui les mettra en application. Car celui en vérité qui montre une bonne action aura la récompense de celui qui aura fait cette bonne action. Celui qui montre en vérité une bonne action aura cette récompense. Faqal Abu Huraira, kultu ana ya Rasulullah. Abu Huraira, toujours assidu, pressé à vous, hein, en vérité, donc il a soif de la science. Il a soif, il veut toujours donc rechercher après le bien. Et plusieurs hadiths montrent en vérité donc ces caractéristiques. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il dit ana ya Rasulullah fa akhadha bi yadi fa adda khamsan. Il m'a pris par la main et m'a donc ici mentionné 5 choses. Il a mentionné sallallahu alayhi wa sallam 5 points. Ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Donc éloigne-toi des interdictions, tu seras le serviteur, donc tu seras en vérité le meilleur serviteur. Tu seras en vérité le meilleur adorateur. Le meilleur adorateur. Warda bima qasam Allahu laka takun arnan nas. Et agrée de ce que Allah t'a donné et tu seras le plus riche. Ça te suffit ce qu'Allah t'a donné. Ben, tu fais partie, c'est toi le riche. C'est toi le réel riche. N'est-ce pas qu'on a dit au départ, Ta'isa Abdul Dinar wa Dirham. Donc, hein, il est tombé, il a coulé, il a péri, il a désespéré, l'adorateur du dinar et du dirham. Hein, et les beaux habits. Lui, il est en péril. Ça ne lui suffit pas, il veut toujours plus. C'est pas assez. Il veut plus, il veut plus, il veut plus. Jusqu'à ce qu'il voudrait gouverner le monde. Voilà comment en vérité est l'homme. Comment il est homme. Donc, il est cupide et il est avide. La cupidité et l'avidité. Quels sont les sifettes? Justement, les sifettes de qui? De ceux qui sont dans les bourses. Ce sont réellement les caractéristiques de tous ceux qui les traders, là. Les gens qui veulent, hein, ceux qui sont dans les bourses. La cupidité, l'avidité, ce sont leurs sifettes, réellement. Les caractéristiques de justement ceux qui cherchent que, donc les gros capitalistes. Wahsin ila jarika takun mu'mina. Et sois bon envers ton voisin, tu seras quoi donc? Croyant. Tu seras croyant. Véritablement croyant. Croyant qui est à la foi complète. Qui est la foi complète. Car tu es bon envers ton voisin. Sawaun kana min al-muslimin ou min ghayr al-muslimin. Qu'il soit musulman ou pas. Hatta al-yahudi. Hatta al-nasara. Jami'u an-nas. Le juif ou pas le juif. Tout le monde. Il y a des délits par rapport à ça. Il y a des preuves par rapport à ça. Tu commences par la porte la plus proche, même s'il n'est pas de ta religion. Tu ne lui fais pas 17 portes après, parce qu'il est de ta religion. Donc, nous, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on oublie le plus proche, alors que le plus proche, il passe avant. C'est-à-dire, si tu as décidé de donner un peu de la nourriture que tu as de chez toi, ben, frappe à la porte la plus proche. Et lui, il fait la même chose. Qu'est-ce que ça fait? Ça se propage. Ça explose ici et ça se propage. C'est pas le contraire. C'est pas là-bas, ça se propage. Et ça, c'est pour toutes les sadakats. C'est pour les zakats al-fitr. C'est pour les zakats. Maintenant, on veut payer nos zakats que dans nos pays respectifs. On trouve toujours des sababs pour payer que si on est algérien ou en Algérie. Que si on est marocain ou au Maroc. Là-bas, il y a des pauvres, il y en a partout. On commence par chez soi. Parce que le pauvre d'ici, il va pas ressentir. Il ne va pas ressentir cela. On commence par chez soi. Il y en a. Et c'est comme ça que ça se fait. Et les autres que sont comme ça. Parce que sinon, on va pas, justement, il y aura des trous. Parce que si c'est fait comme ça se propage réellement, il n'y aura pas tous ces trous, ce vide, où il y aura des endroits où les gens ne donneront pas à ceux qui sont proches d'eux. Non. Donc comme on l'a dit, on donne. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que tu auras justement le roi. Il est plus important pour moi de donner à quelqu'un qui me voit tous les jours que de donner à quelqu'un qui ne voit pas du tout par rapport à la zakat, par rapport à sadaqat al-fitr. Parce que justement, je vis avec. Donc je veux l'aimer, je veux qu'il m'aime. Comment? Justement par ce genre de geste. Par ce genre de geste. Et pas en vérité par les autres gestes. Les autres gestes, l'autre il va sûrement dire, il va sûrement faire une dua. C'est un khair, j'ai pas dit que c'est un mal. Mais l'autre c'est mieux. Parce que ça apporte en vérité plus de choses derrière. Ça apporte une continuité dans l'entraide et dans l'amour entre les musulmans. وأحب للناس ما تحب لنفسك عفوا تكون مسلما donc وأحب للناس ما تحب لنفسك aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras musulman de la meilleure façon, donc tu seras un bon musulman car tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu ne le trahis pas tu aimes en vérité pour lui tous les biens. Tu aimes tous les biens que tu aimes pour toi, tu l'aimes pour lui aussi. Voilà tout ce dhahka, fa inna kathrat ad-dhahki tumitu al-qalb. Et aussi n'augmente pas ou ne ris pas trop. Là on a affaire à le fait de trop rire. Car trop rire tue le cœur. Rire c'est permis. Mais trop rire c'est pas conseillé. Car ça tue le cœur. Après tu ris sur tout, tu ne sais plus quand est-ce qu'il faut être sérieux. Tu ne sais plus quand est-ce qu'il faut être attristé, s'il le faut. C'est-à-dire dans le sens où tu ne sais plus quand est-ce qu'il faut craindre. Tu ne vas plus ressentir cela. Tu ne sais plus faire la différence. En général, c'est ça. Le rire n'a pas de limite. Et justement, si tu ris trop, tu entres après des versets dans le rire. Tu entres des hadiths dans le rire. Parce que tu veux en faire faire. Et puis, en réalité, tu risques d'aller loin par rapport à cela. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. Donc il a dit صلى الله عليه وسلم dans un hadith rapporté par Abu Huraira et il est dans l'authentique de Muslim. Ne vous jalousez pas. Al-hasad, donc la jalousie. Voilà tabaradou. Ne vous détestez pas. Ne vous espionnez pas. Ne vous épiez pas. Ne vous enrichissez pas. Le fait donc surenrichir. Donc ça veut dire en vérité, ne cherchez pas à surenrichir sur une vente qui va se faire. Mais plutôt, soyez serviteur d'Allah, frère. Soyez serviteur d'Allah. Ibadallah, ikhwana. Les deux, ils vont ensemble. Donc, si tu es jaloux de ton frère, c'est possible que tu peux. Donc, parce que Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit Makhala jasadun min hasad. Aucun corps n'a pas connu en vérité la jalousie. Aucun corps est exempt de jalousie. Ben, retiens-toi. Jahid nafsak. Fais les efforts pour repousser cette jalousie. Crains Allah par rapport à cela. Retiens-toi. N'aie pas surtout une jalousie qui t'amène à détruire la personne et à détruire en vérité ses biens, comme certains essayent. C'est une jalousie, il y en a qui va rester passive, mais il y en a, elle est active. Ils activent par rapport à cela. Ça, c'est grave. Il n'y a pas pire que ça. Et en plus, certes, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, la jalousie brûle les hasanettes comme le feu brûle le bois. Donc à la fin, tu n'as plus de hasanettes. La jalousie brûle les hasanettes, donc les bonnes actions, comme le feu brûle le bois. Il dit aussi après cela, sallallahu alayhi wa sallam, et ne vous détestez pas. Parce qu'automatiquement, lorsque tu vas détester, c'est en vérité que tu as décidé de faire passer en avant. Donc tu détestes pas, c'est pas le fait de détester pour Allah, parce que détester pour Allah, c'est une obligation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je déteste les péchés et les gens des péchés. Je déteste le shirk et les gens du shirk. Je suis obligé de détester le shirk. Je suis obligé de détester ce qu'Allah déteste. Je suis obligé d'aimer ce qu'Allah aime. Ne vous déteste pas, parce que là ici, un Nabi, il parle par rapport aux croyants. Tu n'as pas le droit de détester un croyant. C'est un serviteur d'Allah, il ne fait que du bien. Comment tu es arrivé à ce point de le détester? Donc, parce que c'est ta passion qui est passée auparavant. Donc recule-la, remets-la en arrière. Cache-la, enferme-la, ta passion. Repousse-la, retire-la. et ne vous espionnez pas. Tu veux tout savoir sur lui. Il a dit quoi, il a acheté quoi, il a fait comment, et tout. Tu veux tout savoir. Tu n'as pas le droit de parler, tu passes par des gens. Peut-être que lui a dit à l'autre, et l'autre, tu veux savoir par l'autre, qu'est-ce qu'il fait. Et aussi, ne vous épiez pas. Tu veux en vérité savoir de loin, tu veux savoir qu'est-ce qu'il, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Ou dès qu'il s'absente 5 minutes, tu veux savoir. Pourquoi, tatati. Tu veux, et ça, mais dans ce qui est mauvais. Je ne dis pas, il est absent, ça fait plusieurs jours que tu ne l'as pas vu à la mosquée. Mais toi, tu veux pour lui le bien, le retour à la mosquée, le retour aux prières avec son frère. Alors tu te poses des questions. Tu veux savoir, est-ce qu'il est malade? Peut-être, c'est possible que ce soit ça. Tu ne sais pas. Il y a peut-être un problème, alors je vais l'aider. Là, tu as le droit. Là, c'est recommandé, c'est demandé. Parce que c'est contraire à ta baroude. C'est contraire justement à l'animosité. Ça, c'est une preuve que tu aimes ton frère. Et aussi, donc le fait de surenchérir. C'est-à-dire le fait que si ton frère a décidé d'acheter quelque chose, un exemple, une voiture, on va chiffrer, par exemple, 2000 euros. Tu vas voir le vendeur et tu lui dis, moi, je la prends à 2003. Et tu ne veux pas la prendre. Tu veux que l'autre ne la prenne pas parce que quand il va l'autre, c'est là que tu veux. Et en vérité, toi, tu ne sais même pas pour l'acheter. C'est juste pour que la personne n'arrive pas à l'acheter, tout simplement. Ça, c'est interdit. Surenchérir pour que l'autre ne l'achète pas, c'est interdit. Si tu mets plus parce que tu vas l'acheter réellement, tu peux. Mais là, tu mets plus parce que tu ne veux pas que la personne l'achète. Tu ne veux pas parce que la personne l'achète. Et ne rip. Donc, et voilà. Et soyez. Et là, il nous montre le contraire. Qu'est-ce qui va justement. On a affaire à des interdictions et là, on a affaire à des ordres. Maintenant, à la fin du hadith. Et soyez adorateurs d'Allah, serviteurs d'Allah, donc frères, ikhwan. Ikhwan. J'ai fait combien de temps ? On va continuer encore 10-15 minutes, Inch'Allah. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Tabarani, an Abdallah ibn Omar, ibn Amr, radiallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وأفضل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا وأفضل المهاجرين من هاجر ما نهى الله تعالى عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل والحديث الصحيح. Donc il dit صلى الله عليه وسلم, donc le meilleur croyant, c'est le meilleur, donc, le meilleur islam du croyant, c'est celui qui protège. Donc l'islam, c'est la paix. C'est celui dont les gens vont être en paix, hein, donc vont être plutôt saufs, sains et saufs. Ils vont être protégés. Ils vont être protégés donc de sa langue et de sa main. Ça veut dire qu'il ne dit pas du mal sur eux. Il ne provoque pas de mensonge sur eux, quoi que ce soit. Et aussi, il n'utilise pas sa main pour leur faire du mal. Donc ils sont tranquilles avec lui, alhamdoulilah. Ils savent qu'il ne parle pas sur les gens. Ils savent qu'il ne commet pas d'actes violents, par exemple. Et le meilleur croyant, le croyant qui est la foi la meilleure, la plus complète, hein, c'est celui qui a le meilleur comportement. C'est celui qui a le meilleur comportement. Et c'est la même chose pour Yom Al-Qiyama. Celui qui sera le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier, c'est celui qui aura le meilleur comportement. Le comportement. Et le comportement, c'est automatiquement des actes vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des gens. C'est pas que vis-à-vis des gens, c'est aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des hijras, donc la meilleure émigration qui existe, c'est le fait d'émigrer donc de ce que Allah azza wa jalla a interdit. Allah t'a interdit ça, donc tu n'y vas pas, tu ne le fais pas. Donc tu as émigré contre cette chose-là. Et la meilleure des jihads, donc le meilleur des combats, c'est celui qui combat son nefs pour Allah Azza wa Jal. Il combat son nefs, donc son âme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça que Omar ibn al-Khattab rapporte radhiyallahu ta'ala anhu que l'islam disparaît cordelette, hein, par cordelette, et vous le trouvez dans le Kitab al-Fawaid de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Alhamdulillah, maintenant il est traduit, donc vous pouvez retrouver ça, où Ibn al-Qayyim rahmatullah mentionne quatre catégories de personnes. Elle dit bien, par rapport à la parole de Omar, que l'islam donc disparaît cordelette. Donc, c'est une anse. Imaginez-vous, l'islam, c'est une corde solide, une anse, c'est rempli de cordelettes. Et casse, donc s'affaiblit cordelette par cordelette, pour celui qui grandit dans l'islam et ne connaît pas Al-Jahliya. Donc, ce qui est autre que l'islam. Et après, donc, Il montre bien le verset d'Allah Azzawajal. Donc certes, nous mentionnons les versets clairement afin que l'on connaisse walitastabin sabil al-mujrimin, afin que l'on connaisse en vérité clairement la voie des pervers. Donc l'islam est venu clairement pour que tu connaisses, parce que quand tu connais l'islam avec les détails, tu connais automatiquement, tu comprends ce qu'est le mal. Et les compagnons, pourquoi les compagnons ont été les meilleurs? Parce qu'ils ont vécu les deux. Ils ont vécu le jahiliya et ils ont vécu aussi, ils connaissent le khair. Donc qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû faire beaucoup d'efforts. Ils font partie de cela. Donc ils ont en vérité fait beaucoup d'efforts pour repousser le mal qu'ils ont connu et pour le remplacer par un bien. C'est pour ça qu'ils ont dit que celui qui fait des efforts, celui qui naît, il n'a pas connu l'alcool, il n'a pas connu la cigarette, il n'a pas connu le fil, il n'a pas connu ceci. Tandis que celui qui a connu tout cela dans sa jeunesse et après se retrouve, alhamdulillah, à craindre Allah Azza wa Jal, à délaisser tout cela, qui a fait les efforts pour délaisser cela, il est meilleur. Parce que lui, il a fait des efforts en plus. Et ces efforts-là font de lui quelqu'un de meilleur que celui qui n'a pas connu ça, parce qu'il a grandi dans un climat qu'il ne connaît pas ce genre de choses. Donc c'est différent. C'est pour ça que les compagnons sont meilleurs que les autres. Les autres, ils sont bien, c'est la deuxième catégorie. Et revenez dans le livre, vous retrouverez donc les quatre catégories de personnes vis-à-vis de cela. Vis-à-vis de cela. Donc la meilleure jihad, c'est justement donc celle qui a fait les efforts pour lui-même, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais terminer par ce hadith afin de montrer que la dunya, donc c'est pas bien sûr donc le but premier, et c'est pour ça qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il faisait dua, Allahumma la taj'alni ad-dunya akbar hammina, ne fais pas de la vie d'ici-bas notre en vérité notre préoccupation première, notre préoccupation première. Qala al-imam yani akhraja al-Bukhari wa Muslim rahmatullah alayhim jami'an من حديث أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي أمامه أحد. Donc Abu Dhar rapporte, il dit je suis sorti une nuit parmi les nuits et j'ai vu soudainement, donc j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher alors qu'il n'y avait personne avec lui. Et j'ai pensé qu'il détestait, donc que quelqu'un serait en sa compagnie. J'ai pensé qu'il voudrait marcher seul en fin de compte. Et des fois, tu as envie des fois d'être seul. Donc il a pensé que Nabi Sallam a voulu rester seul. Qal faj'altu amshi fi dhilli al-qamar faltafata fara'ani faqal. Donc il dit j'ai marché dans l'ombre de la lune afin que le prophète ne le voit pas. Il ne voulait pas déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a marché dans l'ombre. C'est le soir, on sait qu'il n'y a pas de lumière là-bas à l'époque, donc on ne voit pas, c'est le soir. Et il s'est retourné, An-Nabi Sallam, il l'a vu. Donc An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné, il l'a vu. Qal man hada, il dit qui est man hada, qui est donc qui es-tu? Qultu Abu Dhar ja'alani Allah fada'aka faqal yani ya Abu Dhar ta'ala qal famashaytu ma'ahu sa'a. Donc il dit qui es-tu? Il dit Abu Dhar. Vous faites j'alain Allah yani fida'ak. Et il dit oh Abu Dhar, viens. Et j'ai marché avec lui un temps. Ça, c'est pas 60 minutes comme maintenant. C'est un certain temps. Ça peut être 20 minutes, ça peut être une demi-heure. Et donc j'ai marché avec lui un certain temps. Qala innal mukthirina hum al muqillun yawm al qiyamah. Certes, il y a ceux qui assemblent, mukthirin, ceux qui cherchent à amasser les biens. Ce sont eux qui auront peu le jour dernier. Ce sont eux qui auront peu le jour dernier. Car l'argent, en réalité, dans l'islam, elle n'est pas faite pour être stockée. Elle n'est pas faite pour que ton compte il soit rempli. Mais en vérité, elle est faite pour que tu fasses du bien avec. Elle est faite en réalité pour que tu fasses du bien avec. Donc, illa man atahu Allah khairan fa nafaha fihi yaminahu wa shimalahu. Sauf, donc c'est pas pour stocker, c'est pas pour économiser, tout simplement parce que l'étage deuxième, troisième, tous les bienfaits de la vie d'ici-bas donc tashabuhan bil kuffar, en vérité totalement pour ressembler en vérité aux kuffar qui sont donc réellement les capitalistes, pour ressembler aux capitalistes tout simplement. Sauf celui dont Allah a donné et il fait du bien avec, donc il donne du bien et il le donne par sa droite, par la main droite, par la gauche, il ne sait pas en vérité comment il donne abondamment et entre ses mains, donc il est généreux et il passe sa vie à être généreux. C'est pas j'ai fait ma BA au mois d'avril, c'est bon, ah il y a pas longtemps j'ai donné, ça y est c'est bon, j'ai fait ma BA. Il y a pas de ça, c'est pas de l'islam, j'ai fait ma BA. Plus tu donnes, mieux c'est pour toi, parce que c'est que des hasanat. Donc dis pas j'ai fait ma BA, comme si ça, il y a un seuil, il y a une limite. Là, ça c'est des paroles qui sont fausses, c'est pas des paroles de l'islam. J'ai pas fait ma bonne action, Allah Alam c'est accepté déjà. Donc donne et redonne et redonne, tu ne sais pas. Et derrière lui, et il fait du bien avec, wa amila fihi khaira, et il fait du bien avec. Donc le mukthirun hum al muqallun yawm al qiyamah. Ça c'est un nabi ou sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres preuves, d'autres délits qui montrent que l'argent c'est contre lui s'il a stock et qu'il ne fait rien avec. Et qu'il ne fait rien avec, il ne fait rien de bien avec. Elle dort, c'est tout. Même ça, c'est pas demandé. Il peut économiser pour, parce qu'il a un but bien précis, même s'il veut sa maison. Mais il ne faut pas qu'il se dise, ma maison, je vais l'avoir dans 15 ans. Alors pendant 15 ans, je suis devenu un avare. Il va peut-être mourir avant et il fera partie de ceux qui n'ont jamais donné. Mais plutôt, mets de côté, mais donne quand même. Vous voyez ? Parce que là, il va te donner beaucoup plus. Il va te mettre non seulement la baraka pour ce qui reste, il va protéger, il va purifier ce qui reste. Et la baraka sera dedans. Parce que tu ne donnes pas, parce que tu fais des calculs mentaux, tout simplement. Des calculs. Ça plus ça égale ça. Et si j'enlève, ça va faire moins. Là, c'est là que tu as tout. C'est là que tu as tort. Ne rentre pas l'arithmétique dans, justement, dans ton don. Ne rentre pas les mathématiques, hein, les plus et les moins. Naam. Dans, en vérité, dans, justement, dans tes biens. Naam. Afin que Allah purifie tes biens. Parce que ceux qui ne donnent pas, Allah ne purifie pas ses biens. Et après, ils se posent pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, c'est 3 000, je vais aller sortir. Ça. Il y a des drôles d'histoires. Et en vérité, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Barakallahu fikoum. Le hadith est encore long. Il y a beaucoup de hadith à voir dessus. Donc, je vais voir si je vais peut-être pas prendre une heure. Donc, parmi les heures de samedi ou dimanche, Inch'Allah. Pour terminer. Après, est-ce qu'il a terminé? Barakallahu fikoum. Subhanakallahu wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته